connexion est massive depuis l'époque de JCR. Tu veux du sombre de visière, ne viens pas tester ma zik. Pour notre hip-hop, que de la frappe comme menu du Kofi. Dans l'anti-pop, des grosses faces, des particules du Covid. La connexion est massive, la clique est active. Mes punches te touchent, c'est normal, la rime est tactile. Jamais dans la tendance et tu connais la suite. On a touché la cible, quand je sors de chez moi, mon pote sort de l'asile. Au microphone, on s'emballe avec de la new school, c'est l'orgie. Aux antipodes de la variète, j'envoie du lourd des ogives. Artisans de la rime, des métaphores, des oxymores. Sur le beat, on arrive pour se pétaphore, les autres s'immolent. Y'a toute l'équipe qui gravite autour de la scrète. Y'a toute ta team qui s'agite comme jour de la paye. Certains rappeurs font de la peine ou font de la dé. Le monde est méchant, demande à Zif Coro de la paix. Je veux les écluses, laisse-les passer par là. Leurs mauvaises pensées sont des ruses trop limitantes pour aller de l'avant. D'écrire des lignes, je peux pas y mettre fin. Les fondations sont trop massives. Que des fins de frappe, des connexions classiques au fond de la classe. Ne dénigre pas ton prochain tête à claque. Fils de qui que ce soit, tu n'es que X ce soir. Si je m'entraîne un peu, c'est pour mieux vivre le sort. Dis-le s'entraîner qu'il compte beaucoup pour toi. Moins de filtres, moins de poids. Connexion de qualité, pas de langue de bois. Ils prendront somme de parapluie sur la collab. Ils feront comme s'ils feront des accolades. Mais y'a pas le temps, faut faire un carton là. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse d'être validé par ton gars? Quel gars, du pote, du fils de l'oncle, du mec en place. J'ai mis un peu de thé dans ma tasse afin que mon texte laisse une trace. J'ai 4 fois de mesure, j'arrive pour glisser quelques faces toniques. Mais gratte le papier mélodique et je fais que rapper. Bon pour l'ego, mais tant pis si j'ai pas 500 fans à mes pieds. Toutes les équipes s'agitent, la connexion est massive. Un beat des rimes magiques, ne viens pas tester ma zik. Du nord au sud c'est massive connexion. Massive connexion, massive connexion. Balance un beat d'oxyde, tous les M6 rappliquent. Du flow des rimes toxiques, si tu veux test ma clique. De l'est à l'ouest c'est massive connexion. Massive connexion, massive connexion. Monte le son, v'là une connexion massive. Et si le verbe est trop acide, c'est qu'on fait aucune concession. MC ma profession, donc je balance pas des rimes plates. Que des lyrics authentiques pour faire péter l'audimat. Soit ça passe, soit ça casse. Mais on se tue à la tâche, on cherche des textes d'exception. On pose pas la rime à l'arrache. On n'est jamais dans la tendance, mais toujours à la page. On reste indépendant, car on s'adresse à la base. Les années passent, on perd le fil. J'ai peur de suivre le courant. Tu comprends pas, connect sans balle pour des mesures, c'est bouillant. J'ai dû mouiller mon maillot malgré les piranhas. Big up les darons africaines, jamais les Kim Karda. J'énumère les positions que j'ai pris par choix. J'ai pas trouvé ma place comme un enfant à Kinshasa. Plus je suis fort, plus j'ai la phobie d'être en pleurs. Je viens détailler ma raison face à la folie des grandeurs. Deux mesures sont commence à créer la cohésion. Massive et la connexion. Alors je réponds à l'appel quand je vois les blases qu'il y a sur le track. Sur ce morceau, tu vas entendre des grosses blagues. Ou bien te manger des grandes claques. Chacun des coups bloc frappe ton cœur avec une bête de vibe. Ouais, demande un rap de Val. Du Willy Pop avec deux gars du Val de Marne. J'ai changé depuis que je bois plus, j'ai trouvé d'autres brûleurs de trip. Je roule avec PNLS Boy, des crews de massacreurs de type. T'es mal à gueule de l'équipe, hyperactif en open mic. On pète la tête dans 7 bars, scalé une 8ème juste pour la claque et pour la ref à 8 miles. Dans jeu plus frais quand t'es spy, je me taille, centrale je fly. Une rage centrale je braille, des couplets qu'on tracera. Maelstrom te brassera, mais dans ce rap je m'en crasse pas. Toutes les équipes s'agitent, la connexion est massive. Un beat des rimes magiques, ne viens pas tester ma zik. Du nord au sud c'est massive connexion. Massive connexion, massive connexion. Balance un beat d'oxyde, tous les M6 rappliquent. Du flow des rimes toxiques, si tu veux test ma clique. De l'est à l'ouest c'est massive connexion. Massive connexion, massive connexion. Reçu un mess des deux mesures pour venir en poser 8. Y'a que des killers au mic dont vouloir tester est vide. Par excès de zèle, tu peux te les brûler, mais pas te relever. Après le couplet de deux ailes, et là t'envoies toutes les couleurs comme si t'es dans le dressing d'AZ. J'connais TDZ, j'connais DBZ et même DDZ. On a la même passion qu'il y ait ou pas la street cred. Tu nous trouveras pas loin de la boutique street. J'ai le pied près du sol, les ailes sont cramées. L'enfer est fait des autres, pour pas crâner sous l'effet des zones. Porter le poids des têtes, c'est peut-être ce qui fait les hommes. Souvent ils te foutent droit selon le virage, vaut mieux envisager le plus droit. La route est longue, j'y vais par le bout jusqu'à perdre la boule. J'suis comme l'horloge casse, ici c'est le temps qui répare tout. On reste attiré par le flou, quand il manque l'envie se contient. Et mets la laisse à tous ceux qu'on tient. J'fais des textes incisifs et touchants. Ça me parle pas quand c'est fouchant. Ils se foutent dans des amalgames quand un cynique est saoulant. Mais nous non, si on critique c'est pour une bonne raison. Car le ciel est gris ici mais les couleurs sont brunes à l'horizon. Faut que tu ma haine, que je l'affronte. Y'a une sale bête, j'veux sa tronche. Chaque fois que j'm'apprête à mentir, je jure sur la tête de Macron. Il nous joue du pipo un temps et écarte tout rêve. J'ai bien écouté ses concerts et maintenant j'ai des acouphènes. Eh mais gros, t'es trop fou là. J'balance un poulet pour la foule. Je ne gère plus les filles mais seulement les poulettes en foule. Roulette coup du foulard, mais bilan assez, bilan assez brillant. Pourtant j'en ai assez que ça dure 1000 ans pour amener un bout de là. Dang, je m'applique à instaurer la démesure et le fond carré laisse. Pour baiser le game, il m'en donne 8, mais je n'ai besoin que de Paris Nest et de mesures. Pas besoin des autres MC, je me suffis à moi-même. Ramène les watch, les frappe toute la semaine, j'en ai sous la semelle. Massive connexion, futur classique quand mes gars s'en mêlent. On laisse des tas de sang, des traces de sang, ils se la foutent dans le zen. Je reste le sensei, je suis dans l'enseignement. Je leur donne des leçons car leur son n'est vraiment pas excellent. Le KLS dans la maison, ici pour les célans. C'est pas qu'à Marseille qu'on passe des savons, je grave mon nom dans la légende. Toutes les équipes s'agitent, la connexion est massive. Un beat des rimes magiques, ne viens pas tester ma zik. Du nord au sud c'est massive connexion, massive connexion, massive connexion. Balance un beat d'oxyde, tous les MC's rappliquent. Du flow des rimes toxiques, si tu veux test ma clique. De l'est à l'ouest c'est massive connexion, massive connexion, massive connexion.